بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بعد، bienvenue à vous chers auditeurs et chers auditrices sur les ondes de Radio Mirat al-Anbiya. Que Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui sont à l'origine de cet outil et que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter comme il se doit de cet outil. Et ce soir, c'est notre 14e assise autour des fondements et des particularités des gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna, qui sont extraits des livres de Cheikh Rabi' ibn Hadi Umar al-Madkhali. Que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse et allonge sa vie dans son obéissance. Fait partie des fondements et des particularités des gens de la Sunna, c'est le fait qu'ils se cramponnent aux livres et à la Sunna du messager alayhi salatu salam, et il prend la droiture avec le livre et la sunna. Il s'éloigne de tout ce qui est en divergence avec le livre et la sunna, et ils appellent vers le livre et la sunna du messager alayhi salatu salam. Et pour confirmer ce fondement salafi, le porteur de l'étendard de la réputation et de l'éloge, l'érudit Cheikh Rabi' Hafidhahullah, a dit فنحن ندعو إلى التوحيد ونحارب الشرك وندعو إلى السنة ونحارب البدعة وندعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة والاجتماع عليهما ونحارب التحزب ونحذر منه مستقين ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا للسلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة السنة والهدى. Et il dit, rahmatullah alayh, que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie, nous appelons vers le monothéisme, nous combattons l'associationnisme, nous appelons vers la sunna et nous faisons la guerre à l'innovation, et nous appelons vers le fait de se cramponner au livre et à la sunna et de se réunir autour du livre et de la sunna, et nous combattons les groupes et le fait de se constituer en groupe et d'être sectaire pour des tendances, et nous avertissons contre tout cela en partant de notre source, d'une seule source, le livre d'Allah, la sunna du messager alayhi salatu salam, et en suivant les pieux prédisseurs d'Allah alayhim, parmi les compagnons, leurs successeurs et les grands imams de la science et de la sunna et de la guidance. Qala hafidhahullah, تؤلف اليوم مؤلفات لترسيخ هذه الاختلافات تحت شعار جواز التعدد السياسي وتحت شعار نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه دون التفات إلى مقررات القرآن والسنة ومنهج علماء الأمة في خطورة الخلاف وشره وضرره. إلى دي حفظه الله دي livres s'écrivent pour ancrer les divergences et pour nourrir les divergences sous le prétexte du pluralisme politique et sous le prétexte de on s'entraide sur les points sur lesquels on est unanime et on s'excuse les uns les autres sur les points sur lesquels on est en divergence. Sans donner l'importance et sans se tourner vers ce qui est confirmé dans le Coran et dans la Sunna et dans la voie des hommes de science de cette communauté. Qui stipule le danger de la divergence et le grand mal qui en découle. وفي وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والقضايا على الخلاف والفرقة. Et sans faire attention, ils sont donnés d'importance à ce qui est confirmé dans le fait que il est obligatoire de se cramponner au livre et à la sunna et d'essayer d'anéantir la division et la divergence. قال سدده الله وواقع هذه الفرقة للسنة في الماضي والحاضر يشهد بذلك فهم دعاة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve la situation de ce groupe, c'est-à-dire de cette fraction, la situation de cette fraction qui sont les gens de la sunna, que ce soit dans le passé ou dans le prison, atteste comme quoi ce sont des prêcheurs qui appellent vers le fait de se cramponner au livre et à la sunna, vers le fait de suivre la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. وقال حفظه الله ونصره في معرض تفنيده لشبه عبد الرحمن عبد الخالق الذي نصب نفسه محاميا عن الجماعات الحزبية إن ابن تيمية وإمة السلف جميعا يدعون الأمة كلها أن تكون جماعة واحدة لأن دينهم يدعو إلى ذلك ويحرم التفرق والتحزب. وهذا هو الذي وجده عبد الرحمن عبد الخالق في كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب ولن يجد غيره ولو أفنى حياته في البحث. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la lance sa vie dans son obéissance, qui lui donne la récompense avec le Firdaus al-A'la. Il dit, on est dans le contexte où il a anéanti les ambiguïtés d'Abd al-Rahman Abd al-Khalq. Je vous ai déjà dit qu'Abd al-Rahman Abd al-Khalq, c'est la salafia politique d'Alexandrie et du Koweït aussi. C'est un Égyptien auquel Cheikh il a répliqué avec plusieurs livres. Et donc, en anéantissant, dans le contexte de l'anéantissement des ambiguïtés d'Abd al-Rahman Abd al-Khalq, qui s'est donné la position d'avocat pour défendre les partis et les groupes, il lui réplique en lui donnant Ibn Taymiyyah. Certes, Ibn Taymiyyah et les imams des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, tous prêchent la communauté, appellent la communauté à qu'il soit une seule fraction et un seul groupe unique. Car leur religion les appelle vers cela. Et leur religion interdit la division et interdit les partis. Et il a dit, Hafidhahullah, c'est ce qu'a trouvé Abd al-Rahman Abd al-Khalq dans les livres de Ibn Taymiyyah et dans les livres de Ibn Abd al-Wahhab, il ne trouvera pas autre chose. Même s'il passe toute sa vie à chercher dans leurs livres, il trouvera rien que cela. يقول لم يستطع عبد الرحمن أن يجد في كتب ابن تيمية إلا أنه يدعو إلى جماعة واحدة هي جماعة الحق والائتلاف عليه والالتفاف حول الكتاب والسنة وهذا هو عين ما يدعو إليه السلفيون اليوم وقبل اليوم. Il dit, حفظه الله تعالى, عبد الرحمن, c'est-à-dire عبد الرحمن عبد الخالق, n'a rien trouvé dans les livres de rien trouvé dans les livres d'Ibn Taymiyyah. Il a trouvé dans les livres d'Ibn Taymiyyah tout simplement que Ibn Taymiyyah appelle vers un groupe uni, vers un seul groupe et un unique groupe, le groupe de la vérité. Et que Ibn Taymiyyah appelle vers cette harmonie à l'intérieur de ce groupe et appelle vers le fait de se réunir autour du livre, de la sunna. Et il dit, c'est ça le point vers lequel appellent les salafis aujourd'hui et avant aujourd'hui. Et fait partie des choses qui sont en contradiction avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal et sur lesquelles s'est établi le fondement de la sunna à ce niveau-là, c'est qu'il est obligatoire de se cramponner au livre et à la sunna selon la voie des pieux prédécesseurs d'Allah Alim. Et la contradiction, c'est le fait de se diviser, de se constituer en partie, ces groupes et ces partis qui ont éparpillé la communauté musulmane, et qui l'ont morcelé en petits groupes, chaque groupe est content de ses principes. Et avec ces groupes, il n'y a pas moyen d'unifier la communauté. Il n'y a pas moyen de réunir la communauté. Et on ne peut réunir la communauté qu'en revenant à ce fondement véridique et à ce fondement salafi qui est le fait de se cramponner au livre et à la sunna et à la voie des pieux prédisseurs d'Allah alayhim. وفي بيان ذلك يقول حامل راية الجرح والتعديل بحق الربيع السنة المدخلي حفظه الله اتباع السنة وسفينة النجاة والآيات والأحاديث في الحظ على الاعتماد الاعتصام بالكتاب والسنة لا تحصى. يقول فالبدع المذهبية والحزبية السياسية هي التي فرقت ومزقت وتمزق الأمة الإسلامية ولا يجمعهم ويوحد صفوفهم إلا الاعتصام بالكتاب والسنة على منهج سلف الأمة والحرص على سلامة المعتقد. Il dit حفظه الله تعالى pour nous donner des éclaircissements sur ce point. Lui qui est le porteur de l'étendard de la réfutation et de l'éloge, qui est le printemps de la sunna, comme son nom l'indique, Rabi' sunna. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve le suivi de la sunna, c'est l'arche pour être sauvé. Et les versets et les hadiths qui incite au fait de se cramponner au livre et à la sunna sont nombreux. On ne peut même pas les comptabiliser. Il dit, Havidallah, les innovations qu'il y a dans ces écoles de jurisprudence et les innovations qu'il y a dans les partis politiques, c'est ça qui a divisé la communauté et qui a éparpillé la communauté musulmane. Et cette communauté ne peut être unie et être comme un seul homme qu'en se cramponnant au livre et à la sunna selon la voie des pieux prédisseurs d'Allah alayhim et en tenant à ce que la aqida soit authentique et épargnée de toute forme de lacune et d'erreur. Et en tout temps et tout lieu, les gens de la sunna ont averti d'un énorme avertissement contre le pluralisme de groupe et contre la division. Ils l'ont blâmé par des grands blâmes, parce que le pluralisme de groupes et tout ça, il est en contradiction avec ce fondement qui est le fait de se cramponner au livre et à la sunna. Et la fin de ce pluralisme de partis et d'existence de beaucoup de groupes, c'est la division de la communauté, ce qui mène la communauté à sa faiblesse. Et Cheikh Rabi, Hafidhahullah Ta'ala, il a, dans son livre, An-Nasiha, le conseil, c'est la responsabilité commune concernant l'œuvre de la da'wa. قال حفظه الله في رسالته النصيحة هي المسؤولية المشتركة في العمل الدعوي فصولاً عقد فيه فصولا ذكر فيها عددا من الأدلة الشرعية الناهية عن التفرق والتحزب والآمرة بالاعتصام بالكتاب والسنة كما بينا موقف أهل السنة من هذا التفرق. فقال حفظه الله الأدلة على تحريم الاختلاف بين الأمة الإسلامية وذم ذلك في شرعة الإسلام وموقف العلماء الناصحين من ذلك. Et donc dans son livre, le conseil c'est la responsabilité commune sur le champ de la da'wa et dans l'œuvre de la da'wa. Dans ce livre, il a fait beaucoup de chapitres dans lesquels il ramène et il cite un certain nombre de preuves de la législation qui interdisent la division et qui interdisent le fait de se constituer en parti et qui ordonne le fait de se cramponner au livre et à la sunna. Et il a montré aussi la position des gens de la sunna face à ce pluralisme et à cette division. En disant que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, les preuves sur l'interdiction de la divergence dans la communauté musulmane et le blâme de cette division dans la législation musulmane et la position des hommes de science dignes du conseil. Et il a cité les versets. قال تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Il a commencé à citer les versets qui interdisent la division. En citant le premier dans la traduction approximative du sens, nous dit ceci. Accomplissez la prière et ne soyez pas comme les associateurs. Ne soyez pas du nombre des associateurs qui ont divisé leur religion, qui se sont constitués en fractions. Chaque groupe, chaque parti est content de ce qu'il a. وقال تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. Il a cité l'autre verset dont la traduction approximative du sens nous dit ceci: obéissez à Allah et au messager et ne vous litigez pas, ne vous divisez pas, vous allez faiblir et votre force va partir. Patientez car Allah est avec les patients. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. Il a cité l'autre verset qui dit ceci dans la traduction approximative. Il vous a légiféré de la religion ce qu'il a ordonné à Nuh ainsi ce qu'il a révélé à ceux avant Nuh. Et ce que nous t'avons ordonné, ce que nous avons ordonné à Ibrahim, à Moussa et à Isa, accomplissez la religion et ne vous divisez pas dans la religion. Et cette situation vers laquelle vous appelez les associateurs est énorme pour eux, qui est le fait de ne pas se diviser. وَقَالَ تَعَالَى وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Et il a cité l'autre verset dans la traduction approximative, nous dit ceci: et ceux qui ont reçu le livre ont été divisés après avoir reçu les preuves et les éclaircissements. Après connaissance. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Et il a cité aussi ce verset dans la traduction approximative du sens, nous dit ceci: ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, qui ont divergé après avoir reçu les preuves et les éclaircissements, ceux-là auront un énorme châtiment. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Il a cité l'autre verset dans la traduction approximative, nous dit ceci: ceux qui se sont divisés dans leur religion, qui se sont constitués en partie, tu ne fais pas partie d'eux. C'est-à-dire, désavoue-les. Hein? Et leur situation est à Allah. Et Allah, il va t'annoncer ce qu'ils ont fait. Donc, le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, est innocent d'eux. Hein? Et il lui a été dit de s'innocenter d'eux, de se désavouer d'eux. Et après, il a ouvert un autre chapitre, Havidallah, dont le nom est ceci: دعوه ائمه السنه البارزين الى وحده المسلمين واجتماعهم على الحق والى نبذ التفرق والتحزب والاختلاف. Ce titre dans lequel il montre que la da'wa des grands imams, des grands hommes de science réputés dans cette communauté, que leur da'wa était l'appel vers l'unité des musulmans, vers leur union sur la vérité et vers le fait de donner le dos à la division et au parti et à la divergence. Et il a dit sur ce titre: قال تحته حفظه الله لأئمة السلف كتب لا تحصى تتضمن الدعوة إلى اجتماع الأمة واعتصامها بكتاب ربها وسنة نبيها والسير على هدي السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين وإلى نبذ البدع والتفرق والاختلاف. وسوف أقتصر على النقل عن بعض الأئمة المعتبرين الذين صارت كتبهم مسير الشمس بين خيار الأمة فلا تحظى منهم إلا بالقبول والتسليم وهي مصادر أساسية لمن جاء بعدهم من دعاة الحق وأئمة الهدى. ثم نقل الشيخ حفظه الله كلام عدد من الأئمة الأعلام في ذلك. Sous ce titre, il a dit, Havidallah, les imams des pieux prédisseurs d'Allah Alim ont écrit des livres qu'on peut même pas compter. Que ces livres contiennent la da'wa vers le fait, la da'wa à l'union de la communauté autour du livre et de la sunna. Et la da'wa de la communauté à se cramponner au livre et à la sunna et de prendre le chemin de la voix des pieux prédisseurs d'Allah alayhim, qui sont les compagnons, les nobles compagnons d'Allah alayhim, leurs successeurs, et de les suivre avec perfection. Et de suivre ceux qui les ont suivis à la perfection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Et tous, ils sont unanimes à réfuter les innovations et à leur donner le dos et à réfuter la division et les divergences. Et il a dit, je vais me limiter à ne citer que certains écrits, certaines paroles des grands imams dont les livres sont propagés, hein, là où il arrive le soleil dans son trajet, c'est-à-dire à l'est et à l'ouest de la terre. Ils sont propagés, leurs paroles, leurs livres sont propagés dans les meilleurs de cette communauté. Et leurs livres sont acceptés et les gens acceptent ces livres et se soumettent aux orientations qu'il y a dans ces livres. Et ces livres sont en réalité des bases et une source pour tous ceux qui sont venus après eux parmi les prêcheurs de la vérité et les hommes de science de la guidance. Et il a cité les paroles de beaucoup de grands imams dans ceux-là. Et pour ceux qui le veulent et qui ont l'arabe, ils n'ont qu'à rentrer dans le premier tome du recueil des fatawas du Cheikh, de la page 349 à la page 404. Et là, ils vont trouver des textes, un nombre considérable de textes qui appellent vers le fait de se cramponner au livre et la sunna et du sunni autour du livre et de la sunna. Et quant à la division et le fait de se constituer comme la division et le fait de se constituer en partie, c'est propagé dans la communauté et que ceci est considéré comme une maladie grave parce qu'il a causé la faiblesse de cette communauté. Les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna ont prodigué beaucoup d'efforts pour anéantir ces divisions et ces divergences, comme il l'a montré Cheikh Rabi Hafidhahullah dans certains de ses écrits. قال بعد أن ذكر ما هو حاصل في الأمة من الخلاف والنزاع والتفرق لم تبذل الجهود الجادة لإنهائه وتخليص الأمة منه ولم يلتفت قادة الفتن والفرق إلى قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى دي حفظه الله après avoir cité les divergences et les litiges et la division qu'il y a dans la communauté, il a dit, les efforts nécessaires n'ont pas été accomplis pour épargner à la communauté cette division. Et les leaders de la sédition et de la division n'ont rien accompli pour essayer de diminuer cette divergence ou de l'anéantir. Et ils n'ont pas prêté attention au verset qui leur dit, dans la traduction approximative du sens du verset, quand vous avez un litige, quand vous avez une divergence dans quoi que ce soit, ramenez-la vers Allah, c'est-à-dire vers le livre d'Allah et vers son messager après sa mort, vers sa sunna, si vous croyez en Allah, en le jour dernier. Et ça, c'est la meilleure des interprétations que vous pouvez faire à vos divergences. يقول حفظه الله لم تبذل الجهود للقضاء عليه إلا من أئمة أهل السنة الطائفة الناجية المنصورة وكل المحاولات من غير هذه الجهة لم تكن موفقة في تلك المحاولات وما كانت تعرف ولا تهتدي إلى طرق العلاج الصحيح بل ما يأتي علاجها إلا من باب وداويني بالتي هي الداء بل وما تزيد الطين إلا بلة بل تجدها تهون من شأن الخلاف وخطورته وترى أنه أمر ضروري يجب التسليم به بل أضحت المحاولات لإنهائه أو تضييق نطاقه أمرا مستنكرا يفرق الأمة لا سيما في هذا العصر الذي استهانت فيه الدعوات السياسية الحزبية بقضية الخلاف حتى في العمق العقادي ونشطت للتقريب بين أهل القبلة كما يزعمون ولا سيما بين أهل السنة والروافض ذلك التقريب الذي يطغى فيه الباطل على الحق ويهان فيه الحق وأهله. Il a dit, Hafidhahullah, il est fort qui doivent être accomplis, n'ont pas été accomplis par ces leaders de la fitna. Mais ceux qui ont prodigué des efforts pour essayer d'anéantir ces divergences et ces divisions, ce sont les imams de la sunna. Ce sont les hommes de science de ce groupe sauvé, de cette fraction victorieuse. Ils ont fait beaucoup de tentations à ce niveau-là et dans cette direction. Quant aux leaders de ces groupes, etc., tout ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas arrivés au but qu'ils voulaient. Ils n'ont pas pu arriver à faire disparaître ces divisions, ces divergences, parce qu'ils ne connaissent pas comment, parce qu'ils n'ont pas pris le chemin réel et authentique pour remédier au problème de la divergence et de la division. Mais ils ont agi ainsi. Guéris-moi avec la maladie. Guéris-moi avec la chose qui est elle-même une maladie. Et ils n'ont fait que rajouter de l'eau dans l'argile. À tel point que ces leaders de ces partis ne donnent pas d'importance à la divergence et à son danger. Ils négligent le danger de la division. Et ils voient même que la division et le pluralisme, c'est une nécessité et qu'il faut se soumettre à cette nécessité. À tel point que les efforts prodigués pour essayer d'anéantir ou de limiter la division dans la communauté est devenu quelque chose de blâmable qui divise la communauté. Tout est renversé, surtout à notre époque où ces groupes qui s'occupent de la da'wa politique et ces hizbi négligent et donnent aucune importance à la divergence, même dans les croyances, à tel point qu'ils ont fait des efforts, comme ils prétendent, pour rapprocher les gens de la Qibla, c'est-à-dire comme ils prétendent, et surtout pour rapprocher les gens de la Sunna du Rawafid. Ce rapprochement qui fait prévaloir qui met en avant le faux et qui rabaisse la vérité et les gens de la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Fait partie aussi des fondements des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, c'est que leur baromètre pour peser les gens et pour analyser les gens, leurs paroles, leurs livres, leurs tendances, leur baromètre, c'est le livre et la Sunna selon la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Pourquoi? Parce que c'est la vérité et qu'après la vérité, il n'y a que l'égarement. Et c'est ce baromètre qui est le livre et la Sunna selon la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim qui fait apparaître le véridique, celui qui est dans la vérité, celui qui est dans le faux. C'est lui qui fait apparaître la guidance, qui donne le discernement entre la guidance et l'égarement. Et pour confirmer ce fondement salafi, Cheikh Rabi, il dit, Hafidhahullah, quand il a parlé, il a dit, « Tahaddatha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ani al-firaq » افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قال حفظه الله هذا ميزان لكل إنسان هل هو على الحق أو الباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا إلا على القرآن والسنة ما عندهم شيء آخر غير هذا. Et donc, pour confirmer ce fondement, Salafi Cheikh Rabi a dit, quand il a parlé du hadith des groupes, que les Juifs se sont divisés en 71 groupes et que les chrétiens en 72 groupes et que cette communauté se divisera en 73 groupes. Tout ce feu de l'enfer sauf une. Ils lui ont dit laquelle est Rasulallah. Il a dit ceux qui seront sur la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Cheikh Rabi, il dit ça c'est le baromètre. C'est la balance pour peser tout être humain. C'est le baromètre pour savoir si quelqu'un est sur la vérité ou dans le faux. Car le messager alayhi salam, ses nobles compagnons, n'étaient que sur le Coran et la Sunna. Ils étaient cramponnés au livre et à la Sunna. Ils n'avaient rien d'autre que ça. Yaqul khudh hadha al-mizan wazin bihi nafsaka wazin bihi at-tawa'if wal-ashkhas tudrik al-haqq insha'Allah. إن أخلصت لله عز وجل أما وأنت تفقد هذا الميزان فستظل ملعبة لأهل الأهواء أهل الشبهات وأهل الشهوات إذا ضيعت هذا الميزان ضعت وصرت لعبة بأيدي العابثين. Il dit حفظه الله prends ce baromètre et analyse-toi avec et analyse avec les groupes, les tendances et les individus. Tu vas connaître la vérité, bi'idnillah, si tu es sincère. Sinon, si tu n'as pas ce baromètre, tu vas rester, tu vas devenir, tu vas rester un jouet entre les mains des gens qui suivent les passions, entre les mains des gens des ambiguïtés et des tentations. Si tu négliges ce baromètre, tu vas te perdre et tu vas devenir un jouet aux mains de ceux qui jouent. قال حفظه الله ومن غلو الصوفية في شيوخهم أنهم ينقلون كلامهم كأنه وحي يوحى ولا يزنون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا مما دفع الشيوخ إلى الأقوال الكثيرة التي لا صلة لها بالكتاب والسنة. إلى حفظه الله fait partie de l'exagération des sophies envers leurs chouyour, c'est que ils transmettent, ils propagent leurs paroles comme si c'est une révélation. Et ils ne jugent pas, ils n'analysent pas leurs paroles à la lumière des livres et de la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Il a dit, c'est ce qui a poussé ces chouyour et ses maîtres à dire beaucoup de paroles qui n'ont rien à voir avec le livre et avec la sunna. يقول وهذا بخلاف أهل السنة وعلمائهم الذين يزنون أقوال الناس بعد الأنبياء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما قبلوه وما خالفهما ردوه ومن أصولهم قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Et il dit حفظه الله et ceci est contraire à la voix des gens de la sunna. Il y a ceux qui sont unanimes sur la sunna et à la voix de leur homme de science. Et eux, leur baromètre pour analyser les paroles des gens, après les prophètes alayhim salatu salam, pour analyser les paroles des gens et leur position, ils prennent, ils les analysent à la lumière du livre et de la sunna du messager alayhim salatu salam. Ce qui est compatible et ce qui concorde, ils l'acceptent. Et ce qui est en divergence avec le livre et la sunna, ils le rejettent. Partant de leur fondement, de ce fondement qui est dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Dans la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci, quand vous avez un problème, vous litigez sur quoi que ce soit, ramenez-la vers Allah, c'est-à-dire vers le livre d'Allah, et vers le messager, vers la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, si vous croyez en Allah, et en le jour dernier, ceci est la meilleure des interprétations que vous allez en faire. Wa qala hafidhahu Allah, وأنا أرجو شباب المسلمين أن لا يعبدوا أنفسهم للأشخاص أن يحكموا هذا في أنفسهم قبل كل شيء وفي الناس جميعا وفي معتقداتهم وأن يزدوا عقائد الناس وأعمالهم وأقوالهم بميزان الله العدل الذي لا يحيف ولا يظلم ويصدع بالحق. Il dit حفظه الله moi je demande aux jeunes musulmans de ne pas être les serviteurs d'individus et d'être soumis à des individus. et que ils doivent se juger eux-mêmes avec le livre et la sunna avant toute chose. Et la même chose, ils doivent analyser les gens avec le livre et la sunna, que ce soit dans les croyances, dans leurs croyances eux-mêmes, et à analyser les croyances des gens, leurs œuvres, leurs paroles, ils doivent les analyser avec ce baromètre juste, avec la balance d'Allah qui est juste, qui ne commet pas d'injustice, qui ne penche pas d'un côté ou de l'autre. Ils doivent déclarer la vérité. Et la balance ici, ce qu'il veut dire avec, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. يقول فإن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم هكذا تعاملوا مع عقائد الناس وأقوالهم ولهذا تجدهم في كتبهم يزنون الفرق والطوائف بميزان الله تبارك وتعالى وينزلون كل طائفة المنزلة التي تستحقها ويصنفونها ويضعون الأشخاص والطوائف في مواقعهم لا يعرفون شخصا ولا جماعة لا يرفعون شخصا ولا جماعة فوق المكان والمنزلة التي يستحقونها وهكذا يجب أن نتعامل مع هذا أو ذاك. Il dit ainsi, t'es nos plus prédisseurs, d'Allah alayhim. Ils agissaient ainsi avec les croyances des gens et avec les paroles des gens. Tu vois ceci dans leurs livres. Comment ils analysent les parties, les fractions, ils les analysent, avec la balance d'Allah Azza wa Jal, et chaque fraction, il la met à la place qu'il mérite, et il les catalogue, et il met les individus, ainsi que les fractions et les sectes, et les groupes à leur place, et il n'élève personne au-delà de la place qu'il mérite. Et c'est ainsi que nous devons nous comporter avec tel et tel. Yaqulu hafidhahullah. أهل السنة يسيرون على منهج السلف في الاحتكام إلى الكتاب والسنة والتمسك بهما ووزن أقوال الرجال بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فما كان حقا وموافقا للكتاب والسنة قبلوه وأيدوه ونصروه وما كان مخالفا ردوه يلدي حفظه الله لجان دولا سنة السكي سويف لا فوا دي بيو بخلصور دو الله عليهم يغون بخنكم جوج لليفغ إلى سنة إسي كرمبون إي Ils analysent les paroles des gens avec le livre et la sunna selon la compréhension du pieux prédisseur d'Allah Alim. Ce qui est vrai et véridique et concorde avec le livre et la sunna, ils l'acceptent et ils le mettent en avant et ils le font triompher. Et ce qui est en divergence, ils le relèguent et ils le rejettent et ne lui prêtent aucune attention. Contrairement aux gens de l'innovation, et ceux qui suivent leurs passions, qui se constituent en groupe, ceux-là, ils ont d'autres baromètres. Ils ont des faux baromètres avec lesquels ils jugent les gens. Et dans ce sens-là, Cheikh Rabi, Hafidhahullah, il dit, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab wa talamiduhu ya'khuduna min aqwal al-a'immat al-kibar ma yuwafiqu al-dalil wa yarduna ma khalafa dhalik. Il dit, Hafidhahullah ta'ala, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ainsi que ses élèves prennent des paroles des grands hommes de science, ce qui est conforme aux preuves, et ils rejettent ce qui est en divergence. يقول فهذا هو منهج السلف بخلاف منهج الحدادية الذين يأخذون ما يوافق هواهم ويردون ما خلاف هواهم ولو اجتمع عليه السلف واستند إلى الكتاب والسنة. Il dit حفظه الله ça c'est la voie des pieux prédisseurs d'Allah عليهم contrairement à la voix des Haddadi, qui prennent ce qui est conforme à leur passion et à leur penchant, et qui rejettent tout ce qui est en divergence avec leur passion et leur penchant. Même si les pieux prédisseurs d'Allah Alim sont unanimes là-dessus, sur le point, ils vont le rejeter parce qu'ils ne suivent pas leur passion. Même s'il a, son argumentation vient du livre et de la sunna. Du moment qu'ils ne suivent pas leur passion, ils le mettent de côté. يقول وأنتم أيها الحدادية لا تقبلون من أقوال العلماء إلا ما يوافق أهواءكم وتردون أقوال العلماء الواضحة القائمة على الكتاب والسنة فميزانكم فيما تأخذون وتردون إنما هو أهواءكم لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Il dit, quant à vous, حدادي, vous n'acceptez pas les paroles d'hommes de science. Vous n'acceptez des paroles d'hommes de science que ce qui suit vos penchants et vos passions. Et vous remettez de côté et vous rejetez les paroles d'hommes de science qui sont claires dans la base, dans la source et le livre et la sunna. Votre baromètre, dans ce que vous prenez, ce que vous délaissez, c'est vos passions et vos penchants, et non le livre d'Allah et la sunna du messager alayhi salatu wassalam. Wa qala hafidhahullah, ahlul bid'ah wal fitan لهم أساليب كثيرة للطعن في أهل السنة وتشويههم ويجعلون من رموزهم مقاييس لمن يخضع لهم وينقاد لهم ويمتحنون السلفيين في الجامعات وفي دار الحديث وفي غيرها بالأسماء. Il dit que Allah سبحانه وتعالى préserve les gens de l'innovation et qui cherchent les séditions. Ils ont plusieurs moyens et plusieurs styles pour dénigrer les gens de la Sunna et pour défigurer leur image, hein, et dénaturer leur image chez le public et chez les awam. Et ils mettent en avant leurs emblèmes, et il faut que leurs emblèmes, les emblèmes de l'innovation, ce sont eux les baromètres. Ce sont eux les baromètres pour tous ceux qui sont soumis à eux et qui sont dans leur parti. Ils doivent leur obéir. Et ils éprouvent les salafis dans les universités, dans Dar al-Hadith ici, il parle de Dar al-Hadith Mecca, et autres. Ils éprouvent les salafis par des noms qui sont leurs leaders. L'ayadan billah. Et vu que la religion véridique et l'islam authentique, c'est la voie sur laquelle était Mohammed alayhi salatu wassalam, ses nobles compagnons, ceux qui les suivent à la perfection, et que la voie sur laquelle ils étaient, c'est elle le baromètre authentique dans le fait de connaître les gens de la sunna et de discerner les gens de la bid'a et de l'égarement. Les gens de la sunna n'ont pas négligé ce fondement. Hein? Ils n'ont pas été en divergence avec le messager alayhi salatu wassalam, ses nobles compagnons, que ce soit dans leurs croyances, dans leur voie, ils ont suivi leur chemin. Et dans ce sens-là, Cheikh Rabi', il dit, فَالسُنِّي مَنْ كَانَ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابُهُ وَمَا عَذَا ذَلِكَ مِنَ الْفِرَقِ لَا نُكَفِّرُهُمْ وَلَكِنْ أَهْلُ بِدَعْ عَلَى تَفَاوْتِهِمْ فِي الضَّلَالِ ومنهم الصوفي على مختلف طرقهم ومناهجهم فمن لم يكن على طريقة الصحابة في عقيدته ومنهجه فليس من أهل السنة. Et Cheikh Rabi' de dire, pour le sunni, c'est celui qui est sur la voie sur laquelle était le messager alayhi salatu wassalam, ses nobles compagnons. Et en dehors de ça, ce sont des groupes, ce sont des partis. On les rend pas mécréants, on décrète pas leur mécréance, mais ce sont des gens de l'innovation, et ils sont différents, ils sont à des degrés différents dans leur égarement. Fait partie de les sectes soufis, dans leurs différentes sectes, dans leurs différentes voies, et leurs différentes voies et chemins qu'ils suivent, qui sont des chemins qui ne sont pas la voie du noble compagnon, ni dans l'aqida, ni dans la voie. Et donc, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne fait pas partie de la voie des nobles compagnons, dans les croyances et dans la voie, et tout, ça ne fait pas partie des gens de la sunna. Donc, tous ces sectes soufis et tous ces partis, etc., ne font pas partie des gens de la sunna. Et Cheikh Rabi' nous a donné des exemples pratiques à ce fondement, à ce noble fondement. Il nous a donné des exemples avec le groupe des frères musulmans, avec le groupe du Jama'at Tablir, et aussi des Sofis et autres. Et il a donné des grands éclaircissements sur la déviance de ces groupes, comment ces groupes ont dévié, sont dans une grande déviance par rapport aux gens de la sunna, et comment ils suivent les innovations et tout ce qui est nouveau. Et tout ceci, il nous l'a montré, il nous a donné des éclaircissements en exposant ces tendances et leurs croyances, en les exposant à quoi? À la lumière du livre de la sunna selon la voie et la compréhension du pieux prédisseur d'Allah alayhi. Ce il a hafidhahullah. هل جميع الجماعات التي في الساحة اليوم داخلة في حديث التنتين وسبعين فرقة الهالكة والجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ معهم أيضا فأجاب كل من لم يكن في عقيدتي ومنهجي ودعوتي على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرق الضالة. وقد سئل ابن باز سئل الشيخ ابن باز عن هاتين الفرقتين فقال إنهما من الفرق الأخرى وليسوا من أهل السنة والجماعة. La question lui a été posée, est-ce que tous ces groupes qui existent maintenant sur le terrain rentrent dans le hadith du 72 groupes qui vont vers leur perte? Est-ce que le groupe du frère musulman ainsi que de Tablir font partie d'eux? Et il a répondu, tous qui ne sont pas sur la aqida, sur les croyances, et sur la voie, et sur la da'wa, et sur la voie de la da'wa, du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de ses nobles compagnons, ils font tous ceux-là qui ne sont pas dans ce chemin-là, ben ils font partie du groupe igaré. La question a été posée à Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, sur ces deux groupes, et il a dit, c'est-à-dire les frères musulmans et Tablir, il a dit, ils font partie des autres groupes, ils font pas partie des gens de la sunna. وأهل السنة والجماعة هم من كانوا على ويقول الشيخ حفظه الله وأهل السنة والجماعة هم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا الميزان للإخوان المسلمين ولغيرهم، هل هم في عقائدهم ومنهجهم ودعوتهم وولائهم وبرائهم على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو هم ينتحلون مناهج أخرى؟ Il dit, Havidahullah, et les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna sont ceux qui sont sur la voie du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. Et ça, c'est le baromètre avec lequel il faut analyser les frères musulmans et les autres. Est-ce qu'ils sont dans leur croyance, dans leur voie, dans leur da'wa, dans leur alliance, dans leur désaveu? Est-ce qu'ils sont sur la même voie sur laquelle était le messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons? Ou alors ils ont pris d'autres voies? فالجواب لهم مناهج أخرى تختلف تماما عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقيدته ومنهجه وولائه وبرائه. Et la réponse, il dit, Hafidahullah, ceux-là, ils ont d'autres voies qui sont complètement différentes de la voie du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam et de ses nobles compagnons. Que ce soit dans leurs croyances, que ce soit dans leurs voies, que ce soit dans leurs alliances, que ce soit dans leurs désaveux. وقال حفظه الله في سياق ردي على المدعو عبد الحفيظ ملك عبد الحق الصوفي عقائد الصوفية من أبعد العقائد عن عقائد أهل السنة والجماعة وآتي كتب عقائدهم في مشارق الأرض ومغاربها من عهد القشيري والغزالي إلى عهد شيوخ البريولية والديوبندية والتيجانية والمرغنية إلى يومنا هذا. هات كتبهم لنقارنها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومؤلفاتها للسنة الموجودة في كتب العقائد كالسنة لعبد الله بن أحمد ووصول السنة لأحمد ولابن أبي حاتم والسنة للخلال والشريعة للآجوري والأيبانتين لابن بطة وشرح أصول اعتقادها للسنة للالكائي وكتب ابن تيمية وهي كثيرة وكتب ابن القيم وكتب أئمة الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ومن سار على نهجه فإن وافقتها في توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية وفي الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة والتحذير من الشرك والبدع والضلال سلمنا لك أنهم من أهل السنة والجماعة. إلى ذكر الله سبحانه وتعالى le préserve dans le contexte où il réplique à ce Abd al-Hafid Malik Abd al-Haq qui est un soufi. Il lui dit, les croyances des soufis sont loin des croyances des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Il dit, ramène-nous les livres des croyances des soufis, ramène-nous les livres qu'ils ont à l'est et à l'ouest de la terre. Depuis l'époque de l'Qushayri, de l'Ghazali, jusqu'à l'époque des chouyours de l'Briouliya, de Dioubandiya, de Tijaniya, de l'Marghaliya, jusqu'à nos jours. Ramène leurs livres pour qu'on les compare, qu'on compare leurs livres aux livres d'Allah et à la sunna du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam et qu'on compare leurs livres aux livres écrits par les gens de la sunna qui existent entre nos mains, dont les croyances, comme la sunna de Abdullah ibn Ahmad, comme les fondements de la sunna de l'imam Ahmad, comme et celle de Ibn Abi Hatim, ainsi que la sunna de l'Khalal, ainsi que le sharia de l'Ajurri, l'Ibanatayl ibn Batta, et Sharhusul Atiqad al-Sunna al-Lakai, et les livres d'Ibn Taymiyya, et sont nombreux, et les livres d'Ibn al-Qayyim, et les livres des imams de la da'wah, l'imam Mohamed ibn Abdelhab, et ceux qui ont pris sa voix. Et si les livres des Sofis sont conformes Hein, à six livres qui viennent d'être cités des pieux prédisseurs dans l'alim, s'ils sont conformes au niveau du monothéisme des noms et des attributs, au niveau de monothéisme de l'adoration, au niveau de la souveraineté d'Allah Azza wa Jal, au niveau de la da'wa, au fait de se cramponner au livre et à la sunna, et au fait de avertir contre l'associationnisme, l'innovation et l'égarement, hein, on dira qu'ils font partie des gens de la sunna. يقول وإن عجزت عن ذلك ولا بد أن تعجز فلن تجد مؤلفات وعقائد ومناهج الصوفية موافقة لمؤلفات وعقائد ومناهج أهل السنة والجماعة وحينئذ فما عليك إلا أن تتوب إلى الله من هذه الدعاوى الباطلة وأن تنصح للمسلمين على طريقة الأنبياء والمصلحين بوجوب تصحيح عقائدهم ومناهجهم وعباداتهم وذلك لا يتم إلا بالاعتصام الجاد بالكتاب والسنة لا بالدعاوى الفارغة التي يدعيها حتى القديانية والرافضة ولن تغني عنهم شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. Et lui dit à ce soufi, si tu es incapable de ramener quoi que ce soit, et tu en seras incapable, tu trouveras pas dans les écrits de ces soufis tu trouveras pas l'écrit des soufis, que ce soit au niveau des croyances, au niveau des voix, etc., que leurs écrits vont concorder et vont être conformes aux livres des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Abadan, tu trouveras pas. Et dans ces cas-là, on te dit tout simplement, repends-toi et reviens vers Allah, Azza wa Jal. Délaisse ces fausses da'wah et sois digne du conseil aux musulmans et conseille les musulmans, selon la voie des prophètes et des réformateurs, en authentifiant les croyances des gens et leurs voix et leurs adorations. Et ceci, tu ne peux y arriver, il ne peut être accompli qu'en se cramponnant, fortement et sérieusement au livre et à la sunna, et non pas avec ces prétentions aussi d'awa vides que prétendent les qadiani. Que prétendent même les Qadianiya, Rafida, et ceci ne servira à rien pour eux, ni dans ce bas monde, ni dans le-delà. Et fait partie des fondements et des particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, c'est qu'ils ne s'affilient qu'au messager alayhi salatu salam. Ils ne s'affilient qu'au messager alayhi salatu salam et à sa Sunna. Et à la voix des pieux prédécesseurs d'Allah Alim, qui sont les compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection parmi les grands imams et ceux qui les suivent à la perfection. Contrairement aux gens de l'innovation et ceux qui suivent leur passion, tu trouves qu'ils s'affilient à des personnes comme le Jahmiya, par appartenance à le Jahm ibn Safwan et autres parmi les innovations, le Khawarij, par rapport à leur innovation qui est le fait de se révéler contre les gouverneurs et ainsi de suite. Et donc, l'éclaircissement, pour nous éclairer sur ce point, qui fait la particularité des gens de la sunna, Cheikh Rabi'i dit, Ahl sunna la intasibuna illa lil kitab wa sunna. La intasibuna ila fulan wa fulan. ويحاولون أن يرمونا بهذه الألقاب وهابي جامي فلان هذا كذب نحن دعاة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et donc pour nous éclairer sur ce point, Cheikh Rabi il dit les gens de la Sunna ne s'affilient à que livre à la Sunna, ils ne s'affilient à personne d'autre. Ce sont les adeptes de personne d'autre, ce sont les adeptes du livre et de la Sunna et de la voie du pur prédicateur d'Allah alayhi. Il dit, Huma, cela, c'est-à-dire les gens de l'innovation, essayent de nous coller des étiquettes. Wahhabi, Jami, Fulan. Et ça, c'est du mensonge. Nous sommes des prêcheurs qui appellent vers le livre et vers la sunna du messager, alayhi salatu salam. يقول ونسمي أنفسنا أهل الحديث نسبة إلى أهل الحديث ونسمي أنفسنا أهل السنة ولا نقول لا جامية ولا بازية ولا ألبانية ولا ربيعية ولا ولا وهذه من الأكاذيب. Il dit, et on se donne comme nom les gens du hadith par appartenance aux gens du hadith, et on se donne comme nom les gens de la Sunna, et on ne dit jamais qu'on ait dit Jami, ni dit Bazi, ni dit Albani, ni dit Rabi'i, ni, etc. C'est du mensonge tout ça. يقول والذي ينسب أهل السنة إلى فلان وفلان فقد ظلم وافترى لأن أهل السنة لا ينتسبون إلا لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit celui qui affilie les gens de la Sunna à telle personne et à telle personne, il a commis une injustice et il a commis un énorme mensonge, car les gens de la Sunna ne s'affilient qu'au livre d'Allah, ils ne sont que les adeptes du livre d'Allah et de la Sunna du Messager عليه الصلاة والسلام. وقال حفظه الله قيل لهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث لانتسابهم لسنته دون المقالات كلها لا ينتسبون إلى الجهمية والأشعرية والصوفية والكلام الفارغ هؤلاء ينتسبون لأهل الحديث وإلى السنة لأن الإنسان لا ينسب لشيء إلا الاتصال به بخلاف غيرهم فإنهم تباينت نسبتهم. Il dit حفظه الله on dit deux. Les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna. On dit d'eux aussi les gens du Hadith. Pourquoi? Parce que ce sont les adeptes de la Sunna. Parce que ils s'affilient à la Sunna. Ils ne s'affilient pas à Al-Jahm. Al-Jahm, comme Al-Jahmiya ou Al-Ash'ariya ou Sufi et à toutes ces paroles vides. Non, ils sont les adeptes des gens du Hadith. Ils s'affilient aux gens du Hadith et à la Sunna parce que, parce que l'être humain, on ne peut l'affilier qu'avec quelqu'un avec lequel il a une relation. Hein? Et donc, les gens de la Sunna, ils ont une relation avec quoi? Avec la Sunna, avec le Hadith, avec la voix du pur prédicateur d'Allah Alim. C'est pour ça qu'on les affilie, qu'on dit d'eux, les gens du Hadith, les gens de la Sunna. Contrairement aux autres, leur affiliation est différente. Jahmiya, l'Ash'ariya, Sufiya, et ainsi de suite. Hein? Et on va arrêter là, Inch'Allah, parce que le paragraphe suivant est long, il va prendre toute la séance, donc on le laisse jusqu'à lundi, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie de notre Cheikh Rabih dans son obéissance, et qu'il le guérisse, et qu'il le préserve, et qu'il le récompense par le Firdaus al-A'la. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Jazakumullahu khairan.